Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. On va continuer à parler de génétique, mais en plongeant plus loin dans le passé. On va aller à la rencontre de l'homme de Néandertal, qui lui aussi, bien sûr, avait un génome. Et son génome nous permet de mieux situer la relation familiale entre l'homme de Néandertal et nous. Alors, on en parle avec Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors oui, l'homme de Néandertal reste un élément qui est plutôt mystérieux dans notre lointain passé. On peut se poser la question, est-ce qu'il est un distant cousin ou s'agit-il d'une espèce à part entière, là, différente de notre ancêtre, l'Homo sapiens? Mais aujourd'hui, la question est toujours d'actualité. Présentement, il y a de nombreuses recherches qui se font. Il y a plusieurs chercheurs qui se penchent sur cette question-là. Ils ont pour mission de faire le séquençage de l'ADN des Néandertaliens pour mieux les connaître. Mais avant de m'aventurer sur ce sujet, je pense qu'il est pertinent de commencer avec un petit aide-mémoire pour savoir nous les présenter un petit peu, ouais. Exactement. Ouais. Alors, les hommes de Néandertal sont soi-disant des représentants du genre Homo dans l'arbre phylogénétique des humains. Ils ont d'abord habité l'Europe pour migrer vers l'Asie occidentale et ensuite l'Asie centrale. Et récemment, d'ailleurs, des chercheurs ont trouvé la trace des Néandertaliens dans la région de l'Altaï, qui est une région montagneuse entre la Russie, la Mongolie et la Chine, et suggérant ainsi une présence de ces hommes-là qui est encore plus à l'est que ce qu'on avait cru avant. C'est pas juste l'Europe, là. Ça s'est étendu assez loin en Asie. Sur tout le continent, oui. Et ça se passait à quelle époque, ça? Ben, on va retrouver les hommes de Néandertal à partir de 250 000 avant Jésus-Christ jusqu'à 25 000 aux alentours. Et l'homme de Néandertal est d'ailleurs à l'origine d'une culture qu'on dit moustérienne. Cette culture comprend le façonnement de la pierre, donc c'est le débitage d'un type précis qui s'appelle le Valois. On va retrouver aussi une préoccupation esthétique, comme entre autres l'utilisation de l'ocre, qu'on peut retrouver sur l'or, sur le corps, et sur l'art. On va aussi voir à certains endroits la collecte de fossiles et aussi des incisions géométriques sur des ossements. Donc, on cherche vraiment à rendre des objets beaux. On va considérer aussi que les Néandertaliens ont eu une des premières considérations, premières préoccupations d'ordre spirituel. Donc, dans ils vont prendre soin des corps de leurs morts. Ils vont faire des sépultures, en fait. Et sur un des sites qui est plutôt majeur pour les hommes de Néandertal, c'est un site qui s'appelle Shanidar qui se retrouve en Irak, où ce qu'on a d'ailleurs retrouvé les restes de 9 hommes néandertaliens. On va retrouver une grande quantité de pollen de fleurs sur le site où ce qu'on peut croire qu'il y avait un dépôt de fleurs lors de l'enfouissement du corps, là, ce qui est un peu comme on fait aujourd'hui avec nos tombes. Sauf que récemment, cette interprétation-là, elle est remise en question du fait que ça pourrait aussi avoir lieu avec des phénomènes post-dépositionnel, avec le vent qui vient mettre du pollen. Ça se promène, le pollen. Exactement. Ou ça pourrait être aussi l'action des rongeurs là, qui aurait permis d'avoir ce lot de pollen de fleurs-là. Comme quoi que le travail d'un archéologue, c'est jamais facile. Là. Tout n'est jamais blanc ou noir. C'est toujours une enquête perpétuelle. Exactement. Et donc, les préhistoriens, là, ils continuent d'analyser les ossements. On acquiert des nouvelles connaissances. C'est toujours une enquête, comme on le disait. Oui. Quelles sont les dernières découverte au sujet de l'homme de Néandertal? On a longtemps cru que l'homme de Néandertal se nourrissait exclusivement de viande de grands herbivores, contrairement à l'Homo sapiens qui aurait eu une diète beaucoup plus diversifiée. Mais en fait, en 2010, les nouvelles recherches ont permis de trouver des phytolithes qui étaient piégés. C'est quoi ça? C'est des restes de végétaux. OK. Et qui ont été retrouvés à l'intérieur de la plaque dentaire de tartre d'une dent de Néandertalien. On remonte assez loin. Quand on dit que c'est des enquêtes, c'est vraiment comme les enquêtes policières, on va chercher. C'est très minutieux. On a trouvé ces phytolithes-là, en fait, qui ont révélé la trace de plantes fossilisées comme le palmier dattier, les légumineuses, puis aussi des graminées. Donc, ça l'indique tout d'abord un régime alimentaire qui est beaucoup plus diversifié que ce qu'on avait cru, et aussi ultimement un comportement de chasseur-cueilleur et non pas juste de chasseur. En plus, certains grains d'amidon vont démontrer le processus de cuisson aussi, qui va suggérer que les Néandertaliens, grâce à leur maîtrise du feu, cuisaient les végétaux en les faisant bouillir. Mm-hmm. Auparavant, on savait que les viandes l'étaient bouillies, mais là maintenant, ça veut dire qu'on a aussi bouilli les végétaux, parce qu'en fait, par rapport aux viandes, on a su cette information-là d'après l'analyse des ossements mm-hmm. qu'on a trouvés à divers endroits mm-hmm. dans des foyers. Mais donc, les végétaux n'étaient pas juste grillés sur le feu, ils étaient bouillis aussi. Mm-hmm. Ultimement, si on résume, les Néandertaliens ont une alimentation qui est carnée, donc composée de viande, de grands mammifères, de petits mammifères aussi, puisqu'on parle d'oiseaux, de mollusques ouais. aussi, mais également de végétaux. Et même les récentes recherches ont permis de voir qu'il y avait des coquillages, des dauphins aussi, des ossements de dauphins mm-hmm. puis de phoques. Donc, c'est vraiment une alimentation qui ressemble beaucoup à celle de l'Homo sapiens. Mmh, finalement, assez opportuniste en fonction de ce qu'ils trouvaient. S'il y avait des dauphins, ils mangeaient des dauphins. Si c'était des écureuils, ils mangeaient des écureuils. Oui, exactement, ouais. selon l'environnement, mais selon aussi les saisons. Ouais, toujours en adaptation. Ouais. Et donc, si on parlait maintenant de la parenté entre l'homme de Néandertal et nous, donc c'est-à-dire Homo sapiens, est-ce que nous sommes des cousins germains, des cousins éloignés ou carrément pas de la même famille? La question se pose. En fait, la position phylogénétique exacte de l'homme de Néandertal provoque encore de nombreux débats aujourd'hui. Certains vont regarder l'homme de Néandertal comme une sous-espèce de l'espèce Homo sapiens. Mm-hmm. Donc, on va l'appeler Homo sapiens néandertalensis. Okay. Et d'autres vont considérer qu'il s'agit d'une espèce indépendante. Ouais. Donc là, ça serait un Homo néandertalensis. Ouais. Ultimement, c'est peut-être qu'il faut préciser, la Homo, c'est le genre, et puis l'espèce, donc c'est Homo sapiens ou Homo néandertalensis. Exactement. Oui, oui, oui, tout à fait. Mm-hmm. Donc, ultimement, c'est pas juste un problème de classification. C'est qu'on va, il s'agit aussi de savoir si l'homme de Néandertal représente une lignée parallèle et donc, ultimement, éteinte de l'Homo sapiens ou si peut-être qui a contribué au patrimoine génétique de nous, de l'homme moderne, l'Homo sapiens moderne. Et lors de son identification, c'est 1864 qu'on a découvert les premiers ossements de l'Homo néandertalensis, on l'a mis comme une espèce distincte. Ultimement. Mais dans les années 1960, on a regroupé tous les hominidés ensemble à l'exception des Australopithèques. Donc, on avait les Néandertal, l'homme de Néandertal au même endroit que l'Homo sapiens. Mm-hmm. Et donc, les Néandertaliens sont considérés comme cette sous-espèce. C'est une hypothèse qui a été soutenue par de nombreux spécialistes à l'époque, comme le biologiste Mayer, qui mm-hmm. déclarait d'ailleurs que jamais plus d'une seule espèce d'homme n'a existé au même moment. Donc, lui considérait que les deux ne s'avaient jamais rencontrés. Mais aujourd'hui, l'idée qu'il s'agit d'une espèce distincte, elle est à nouveau proposée là, avec les nouveautés qu'on a avec la génétique mm-hmm. et les génomes. Donc, justement, parlons-en de la génétique. Est-ce que les analyses génétiques permettent de se prononcer un peu mieux sur la classification, la position de l'homme de Néandertal? Oui, les études paléo-anthropologiques sont effectuées sur le moment sur les ossements de l'homme de Néandertal. En fait, permettent pas de se prononcer comme quoi que c'est une espèce comme un Homo sapiens. Les récentes analyses comparées de l'ADN mitochondrial puis aussi de l'ADN nucléaire qui sont extraits des ossements mm-hmm. de Néandertal semblent dire là que c'est tout séparé. Si on compare l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens et aussi l'homme d'aujourd'hui, l'homme moderne. Ouais. Donc, l'ADN mitochondrial, qui est un marqueur génétique important qui permet un peu de répondre à cette question-là, parce qu'elle fait partie, c'est un marqueur génétique important pour la biologie évolutive du côté maternel. Mmh, c'est transmis seulement par les femmes. C'est exactement. Ça, donc, ça permet de voir les échanges. Femmes, les femelles. Oui. De tout. Ça permet de voir les échanges génétiques à travers le temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on pense bien qu'il n'y a jamais eu d'échange entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne. Mais il faut savoir aussi que c'est des résultats qui sont partiels. Ouais. Parce qu'on est en train de faire le séquençage de l'ADN, qu'on a à peu près la moitié de fait. Et donc, peut-être que dans la deuxième moitié, il y aurait des... Peut-être des surprises. Exactement. Donc, on est jamais certain. Ouais. Ce qu'on peut voir avec les études qui ont été faites, c'est qu'il y a un cheminement séparé de la lignée humaine et de la lignée néandertalienne, pardon. Et il pourrait fort probablement s'agir de deux espèces différentes qui mm-hmm. auraient comme ancêtre, un ancêtre commun qui qui serait l'Homo erectus, qui vivait il y a très longtemps, là, 500 000 ans avant aujourd'hui. Puis à côté de ça, donc là, c'est l'analyse de l'ADN mitochondrial, mais il y a aussi eu l'analyse de l'ADN du nucléaire, donc qui est dans le noyau de la cellule. Et donc, il me semble qu'il y a eu une étude à partir de cet ADN qui montrait qu'il y aurait eu des croisements entre Homo sapiens, donc entre nous, et puis Néandertal. Oui, tout à fait. En fait, c'est une étude qui porte sur l'analyse de 4 milliards de paires de bases d'ADN nucléaire qui est issue initialement de 3 hommes de Néandertal. Mm-hmm. Les auteurs ont envisagé l'hypothèse selon laquelle les Néandertaliens auraient contribué entre 1 à 4% du génome de la population moderne qui est non africaine. Donc, c'est l'hypothèse la plus simplement mise pour expliquer les données qui ont ressorti de l'analyse. Mais il y a d'autres scénarios qui pourraient en quelque sorte expliquer aussi ce résultat-là. On peut faire l'hypothèse que la population ancestrale non africaine était plus proche des Néandertaliens que ne l'était la population ancestrale des Africains contemporains. On peut encore supposer qu'après la divergence des Néandertaliens, il y a eu une homogénéisation incomplète qui s'est réalisée avec les ancêtres des Africains et ceux des non-Africains, ce qui permettrait d'expliquer pourquoi on a un petit 1 à 4% du génome commun. Mm-hmm. Parce qu'ultimement, on a quand même un ancêtre Homo erectus qui est quand même présent dans la lignée, au minimum. Mais c'est quand même curieux. Ben, c'est ça. Donc, ce sont les populations européennes, asiatiques qui partagent ce morceau d'ADN néandertalien. Exactement. Et non les Africains. Puis on le voyait avec l'espace géographique parcouru par les Néandertaliens, c'est ça, exactement. Ça a bien du sens, mais ça reste que tout est bien complexe sur cette question-là. Puis c'est loin d'être dans mon champ d'expertise premier, mais de toute évidence, le séquençage qu'on voit du génome néandertalien enrichit ultimement les connaissances qu'on a, nous, recueilli avec l'archéologie. Ouais. Et puis, ça va nous permettre de lever un petit peu de ce mystère sur cet homme préhistorique. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Alors, on va partir en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on va s'intéresser à la résurrection des animaux disparus.